chante la galère, la honte sur le son du terre-terre 3. Au temps des Francs, ça commence à tâter. Au temps où il n'y avait pas Sarko, alors le Rachid a tâti. Moi j'avoue, ils nous l'ont mise. Avec l'euro et leur nid soumise. Hey, c'est un son de la guerre, avec la mif à mort, ça et des engins nucléaires. Même de rasoir dans les Nikers à tous les paros haineux. Allez voir vos mères, on s'en tape du rap, parce que la vie c'est éphémère. Je voudrais que les frères restent en vie et que les foyers meurent, mais c'est mon froid, c'est impossible comme un bar tabac non fumeur. Avant les balances, les traîtres et ceux qui inventent les rumeurs. Les bâtards qui cachent la journée, alors je commence de bonne humeur. On a la gueule de la sécurité, qui s'arrête de nous arrêter, de mettre les 22 ans sur terre, mettre un grand de sécurité. Pour l'instant, prêt à faire feu, à pas s'arrêter au feu, à jeter nous-mêmes au feu, à prendre les 10 piges à rifle. T'es pas content d'avoir ta sœur, ni ta race sans ascenseur. Mon ref est pour moi, comme l'ouvrier pour le passeur. Je joue la chiche, je vends de la chiche, j'ai une prod, c'est du boulot. Marseille, fait ta honte, la gros, nique ta race sous l'eau. On a les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Dans la rue, ça pue la mort. On tire dessus, après on l'aide. Des drogues tous durs, je double disque d'or dur. La honte à vite Marseille, c'est un gros lingot d'or pur. On a les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la beurre. Dans ton rap, c'est de la bière, alcoolo et pas d'hier. On a les doigts sur la cachette, sur le steak, et la fourchette dans les schnecks, et sur la lame qui va couper ta plaquette. Ok, là c'est la honte à truand de la galère. De ces qui te frères que des mecs déterres. On vient choquer la France à niquer la hala. Plus grave que de la marijuana. Le bénéfice, y'a que ça. Je suis RF sur le son du terre-terre 3. Nerdine, Pepec, si tu passes derrière nous, je traîne qu'avec tes voyous. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est l'équipe de Tour ma couille. 4 frères soudés, 4 millions d'euros de côté. Toutes les filles de skin, on les a baisés. Je suis trop fier d'être fils d'immigré. Je représente pour tous les sans-papiers. On n'est pas des keufs, mais on fait que de palper. Pendant que ta main traite à nous, tu on a les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Dans la rue, ça pue la mort. On tire dessus, après on l'aide. Des drogues tous durs, je double disque d'or dur. Là, on t'a vite Marseille, c'est un gros lingot d'or pur. On a les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la beurre. Dans ton rap, c'est de la bière, alcoolo et pas d'hier. On a les doigts sur la cachette, sur le steak, et la fourchette dans les schnecks, et sur la lame qui va couper ta plaquette. On vit comme des loups, tellement on fait qu'on crache dans la soupe. À la Easter, ça tape sec, à la Alistair. Appelle-moi Mister Ted, avec mon son, je tape ma nuit dans un Mister Bed. Reste au gros big driver, driver, gestionnaire, passe pas lourd, en mode plus pas lourd. Car le gros pas lourd, attiré par les canons, le cam scié, du dernier gang inspiré. Braquage ta pensée comme ça, pareil, on fait les choses carré, on est gros tac-tac-carré. Fouillant d'alerte, gamin, ça y est, RF, c'est pareil. J'aime les gens qui parlent plus, qui agissent, qui niquent la France, qui tapent des dalles, pas de 10 tonnes. Ok, Dringis, les vices sont là, les bips sont là. Je vais te monter un réseau de fou, fou, fou, jouer les tours jusqu'à Tijuana. Casson, soldat, Bastos, Garba, la Honda, Mansa. Ferme ta gueule, on est là. On a les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Dans la rue, ça pue la mort. On tire dessus, après on l'aide. Des drogues tous durs, je double disque d'or dur. Là, on t'a vite Marseille, c'est un gros lingot d'or pur. On a les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la beurre. Dans ton rap, c'est de la bière, alcoolo et pas d'hier. On a les doigts sur la cachette, sur le steak, et la fourchette dans les schnecks, et sur la lame qui va couper ta plaquette. C'est le son du terre-terre, volume 3. Là, on t'a à Marseille, t'as le déclic. Ramène ta clique. C'est clic-clic frère, c'est clic-clic sœur.